danser sur ta peau, petite lumière tamisée. Si tu me laisses te donner le tempo, ensemble on va bien s'amuser. Lâche la montée, tu me donnes chaud, c'est seulement pour que public à viser. Sur ça, moi, on ne paye pas d'impôts, alors autant en profiter. Quand ma langue n'embrasse pas ta bouche, tu fais des quand ton salon jaune secousse, te font faire des nos petits jeux sensuels ont de quoi nous rendre fous. Si tu le veux, moi je veux. Je vais te faire danser, hey yeah. Je vais te faire bouger, hey yeah. Je vais te faire vibrer, oh yeah girl. Tant que on est ensemble, je vais te faire danser, hey yeah. Je vais te faire bouger, hey yeah. Je vais te faire vibrer, oh yeah girl. Tant que on est ensemble, je veux t'entendre. D'être une gentille petite fille, mais je vais te dévergonder. Tu as déjà 18 ans et demi, tes parents pourront pas te gronder. Je te ferai pire que ce que je t'ai promis, mais demain sort ton petit cul bombé. Ce qui est sûr, c'est qu'on entendra tes cris de Manhattan à Bombay. Quand je m'unis sans toi, j'aime tant perdre. Quand ça crie, je vais bien récupérer. Quand tes cuisses rougissent, je sais que je te pousse à bout. Si tu veux, moi je le veux. Je vais te faire danser, hey yeah. Je vais te faire bouger, hey yeah. Je vais te faire vibrer, oh yeah girl. Tant que l'on est ensemble, je vais te faire danser, hey yeah. Je vais te faire bouger, hey yeah. Je vais te faire vibrer, oh yeah girl. Tant que l'on est ensemble, je veux t'entendre. À présent c'est le moment, à présent c'est ta romance. Des démons sont démons, décidément je vais mettre son amant. On se comprend aisément, quand je la prends elle fait. J'alterne les mouvements violents et quand je vais doucement. J'aime quand elle se laisse aller, nous nous corps calés et que je suis en elle. Oui, pas besoin de parler, dans ma peau salée, tu t'es poussé des ailes et des mais fais pousser des Je vais te faire danser.